Hello and welcome. C'est la croisière folk qui démarre, une croisière qui vous fait découvrir toutes les facettes de la musique folk. On a une adresse, hein, si jamais vous avez envie peut-être de communiquer avec l'émission, de nous envoyer des infos sur le folk, vous organisez un concert ou vous êtes un artiste et que vous avez envie qu'on diffuse votre musique, lacroisièrefolk@yahoo.com. Hello, we have an email address. If you want to send us information about folk music or if you want to send us your CD, do not hesitate. lacroisièrefolk@yahoo.com. We also have a Facebook page called La Croisière Folk. Voilà, la page Facebook s'appelle La Croisière Folk. Il y a de La Croisière Folk partout. Et on a démarré avec Suzanne Vega et le morceau My Favorite Plum. Plum, oui, ma prune favorite. Vous savez que les fruits ont parfois un petit sous-entendu. Framboise, abricot et nénuphar. Voilà, je crois que les francophones auront compris quel est ce sous-entendu. Nora Brown, Lisa Jane, c'est ce qu'on va écouter tout de suite. Ensuite, Rosa Cedron et Christina Pato avec Mirabella. Rosa Cedron, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à Gand, en Belgique, lors du festival Les Goûts de Gand, qui était un festival de musique du monde. Si vous avez l'occasion de venir, eh bien, faites-le. Donc c'est une chanteuse et violoniste espagnole, hein, de 97 à 2005. Elle est la voix du groupe de musique folk celtique Loire na Lubre. Elle apparaît aussi dans l'album Tubular Bells de Michael Field. Et en 2007, après s'être séparée du groupe Loire na Lubre, elle sort son premier album Entre Dos Mares. Et Christina Pato, eh bien, elle est née en Galice. C'est une sonneuse de gaita, qui est une cornemuse galicienne. Elle joue aussi du piano. Il y aura aussi, juste après, Izzy Burns. Elle est américaine et elle nous interprétera Broken Compass. Bienvenue dans la croisière folk. Chez nous, il y a du folk à tous les étages. Et puis sachez-le, sur la terrasse, il y a des bananes. This is- place that's gonna blow your mind. A place that's gonna blow your mind. A place that's gonna blow your mind. Thank you. guitar. Easy Burns à l'instant, Broken Compass, et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un, deux, trois, hein, pour ceux qui connaissent l'émission, c'est la petite séquence dans laquelle on vous fait découvrir un album en trois chansons. Elle s'appelle Jeon Hartman, He Went to the Sea. C'est son album sorti en 2022, c'est son premier album. Alors, Jeon Hartman, c'est une autrice, compositrice, interprète qui a 26 ans. Elle nous vient de Utrecht, aux Pays-Bas. Dans ses musiques, elle cherche la forme, les images et le sentiment de mouvement. Mais attention, sentiment du mouvement avec émotion. Sa musique, c'est en fait une combinaison de textes poétiques et d'harmonies, assez riches d'ailleurs, amplifiées par des musiciens passionnés. Et elle interprète ses chansons vraiment d'une façon authentique. Son premier album, hein, donc on va écouter... Enfin, du moins, on va écouter trois morceaux. He Went to the Sea. Elle a démarré l'écriture de cet album suite à une rupture amoureuse. Et voici ce que nous en dit Sis Van Looy sur le site hollandais de musique writteninmusic.com. Les lignes musicales fluides et doucement ondulantes évoluent de moments sobres, acoustiquement mystérieux, à des passages plus ouverts, orchestrés et construits avec passion, qui sont d'ailleurs parfois brusquement interrompus. Ce sont ces tournures inattendues dans un style libre et sans entrave qui font la différence sur cette œuvre construite avec une tapisserie sonore particulièrement atmosphérique et presque fluide. Donc Sis Van Looy dans writteninmusic.com. On écoutera trois extraits de cet album. Donc He Went to the Sea, Reflection, Since Then et After a Fall. 1, 2, 3. Walk the line. So I rested my head on your shoulder. Do you see how I picked new colors since then? Don't forget to eat, taste what love has done. Seal that has grown underneath the sun. I ran away from yellow, but your coat was green. So I rested my head. Get to sleep, dream love is done. Seal that has grown underneath the sun. Don't forget to eat, taste what life has done. Seal that has grown underneath the sun. Shall I love? À l'instant, nous découvrions donc le premier album de cet artiste folk qui nous vient des Pays-Bas, Jeon Hartman, avec He Went to the Sea. Je vous conseille l'album, hein, Jeon Hartman avec Reflection, Since Then et After a Fall. On n'a que trois morceaux pour vous faire découvrir l'album et bah voilà, c'est quand même c'est peu, mais on ne peut pas non plus disons consacrer toute l'émission à cet album. Tout simplement. Alors, les Pays-Bas, eh bien, c'est un pays que l'on peut visiter, juché sur un vélo, et on découvre de ce pays d'une tranquillité, beauté, au gré de ses chefs-d'œuvre, ses canaux et ses moulins. Voici ce qu'on peut en lire dans le guide Lonely Planet du monde. C'est le seul guide de voyage qui couvre tous les pays du monde. Extraordinaire, hein, comme truc. Vous voyagez vraiment en lisant. Et qu'est-ce qu'il y a à voir si vous allez aux Pays-Bas? Eh bien, il y a les canaux d'Amsterdam et puis les chefs-d'œuvre. Parce que les Pays-Bas ont vu naître une myriade d'artistes célèbres à Amsterdam. Le musée Van Gogh réunit la plus importante collection de toiles de l'artiste. La laitière de Vermeer, la ronde de nuit de Rembrandt et d'autres chefs-d'œuvre du siècle d'or sont exposés au majestueux Rijksmuseum, tandis que le Stedelijk Museum dévolu à l'art contemporain expose des œuvres de Mondrian ou de De Koning. Citons aussi le Frans Hals Museum à Haarlem et la Moritz Huis de La Haye, où on retrouve les maîtres irlandais. Vous pourrez bien sûr aussi passer une journée à Delft. Donc les Pays-Bas, ce sont nos voisins. Je sais qu'ils aiment beaucoup les Ardennes belges, on les croit souvent, on les aime beaucoup. Et donc voilà, les Pays-Bas, c'est pas seulement que des choses à voir, c'est aussi de la belle musique à écouter. Molly Tuttle, tout de suite, avec Over the Line, extrait de son nouvel album Crooked Tree, l'album de 2022. Elle est en duo avec Sierra Hull, Molly Tuttle, et ensuite il y aura Tia McGrath, Something Love Like That, extrait de l'album With Love 2022. Et puis Emily Landry, le single À la danse, on attend avec impatience, hein. Enfiler mes bottes, c'est le 13 octobre que l'album sortira. J'ai oublié de vous préciser en début d'émission qu'on fait ça une fois par mois. C'est une programmation 100% féminine aujourd'hui. Moi j'aime. Once the rubber hits the ground, I'm bound for Mexico. Sunlight wakes my sleeping head and turns the mountains gold. But I've got one too many ties to you, one too many tries for you. I'm tumbling down the mountainside for you, and I can't say I'm mine when love goes over the line. Shake this feeling that I hold. There's poison in your kiss. But I've got one too many ties to you, one too many tries for you. I'm tumbling down the mountainside for you, and I can't say I'm mine when love goes over the line. Dynamite. Still I ask for more, 'cause I've got one too many times. stars. You looked at me and I struggled to breathe as you caught my heart. But a young girl's heart will break, sure as summer's burn must fade. Lullaby. Sometimes love's like that, fleeting as a butterfly. You'll never know how the crashing waves in the moonlight takes me back. Sometimes love's like that. If I held on to you just a little too long, it's 'cause everyone needs a place to feel free, like when we were young, where I still can touch your face in a first kiss. Je te passerai une coupe de pièces, on s'en va à la danse. soir je peins, je suis mieux de mettre mes boucles d'oreilles. Parce qu'on s'en va danser. Alors vous le savez, il est d'habitude que je vous propose de parler de mes CD, de mes podcasts. Et aujourd'hui, bien, c'est une collègue qui fait des podcasts aussi. Elle s'appelle Anne B et elle interview sur Storylific pas mal de gens. Donc Story avec Y et puis LIFIC.com. Et aujourd'hui, je vous propose un extrait de Marie-Amélie Lennartz qui a traversé l'Atlantique sur un petit bateau de 6,50 m. Il faut savoir qu'elle est la première femme belge à réaliser cette performance. On écoute un extrait. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à naviguer sur des plus gros bateaux, sur des bateaux comme celui sur lequel je suis actuellement, et à faire des régates en mer du Nord et en Angleterre, avec un copain qui avait un bateau, qui était skipper. Et puis petit à petit, je me suis dit que moi aussi, j'avais envie de devenir skipper, donc j'ai passé mes brevets pour pouvoir emmener des équipages naviguer. Et puis au bout d'un moment, j'avais beaucoup navigué en équipage, en régate ici en mer du Nord. Et puis je me suis retrouvée vraiment par hasard à La Rochelle, au départ de la Mini Transat 2017. C'est une course qui a lieu tous les deux ans. Donc moi, j'ai participé à celle de 2019. Donc à l'édition précédente, ben, j'étais sur les quais à La Rochelle. Et j'ai assisté à ce départ et j'ai trouvé ça incroyable parce que 6,50 m, c'est vraiment très petit. Oui. Donc, la Mini Transat, c'est une traversée atlantique sur un bateau qui s'appelle un Mini. Oui, c'est ça, j'allais dire, on va expliquer après la Mini Transat. Voilà, c'est pas parce que c'est une mini traversée du tout. Non. c'est la taille du bateau. Voilà. Anne B. Elle a une voix pour faire de la radio, je trouve, non? Et donc, ah oui, vous savez qu'elle a interviewé aussi dans son dernier podcast Yann Arthus Bertrand. Voilà. Mais n'hésitez pas à écouter l'entièreté hein, de ce podcast et de découvrir Marie-Aline Lennartz, Mini Transat ou l'Atlantique en solitaire. C'est comme ça qu'est appelé ce podcast. Et c'est sur storylific.com. Un bon moment à passer. Ensuite, Anneke Konings avec Ballade van de Bank. Et cet extrait de son album de 75, c'est aussi une hollandaise, Tussen Zon en Man, c'est le titre de l'album. Véronique Bilodeau, elle nous vient du Québec avec Reste avec moi, extrait de son tout nouvel album, Juste avant la nuit 2022. Et puis Farah avec The Dragon, et ça c'était un extrait de leur album Across the Line, l'album de 2017. C'est un quatuor folk féminin, Farah, qui est originaire des îles Orcades au nord-est de l'Écosse. C'est une communauté très unie dont le fort héritage nordique a donné naissance à une culture et une tradition musicale unique et riche. Les 5 membres d'origine, d'ailleurs, étaient des amis d'enfance. Et le nom du groupe, donc Farah, c'est en fait le nom d'une des petites îles inhabitées de l'archipel des Orcades. Ze zaten samen op de bank in het grote stadsplantsoen. Ze keken naar het gras en ze keken naar het groen. De vogeltjes die zongen, het was een dag in mei. En waarom vraagt hij het niet aan mij? Ze zaten samen op de bank en niemand die wat vroeg, want de vogeltjes die zongen en maakten lawaai genoeg. Ze keken naar de lucht, want voor het groen was de lol al af. Hij dacht, hoe moet ik het vragen? En zij dacht, wat is hij laf? Ze zaten samen op de bank en niemand die wat zei. Ze zwegen tegen wil en dank, zo zaten ze zij aan zij. Ze keken naar de bomen, want de lucht was al gezien. En als je daar lang naar kijkt, krijg je kramp in je nek misschien. Samen op de bank en wisten zich geen raad, want alles was bekeken wat zich maar bekijken laat. Er zat niets anders op, al was het nog zo naar. Er bleef niets anders over, dus keken ze naar elkaar. Samen op de bank, zijn ogen knipperden nerveus. Ze keek verlegen naar zijn mond en het puntje van zijn neus. Hij dacht, nu moet ik het vragen. En zij dacht, nu vraagt hij het wel. Hij had een droge mond en zij had last van kippenvel. Ze zaten samen op de bank, ze keek naar zijn gezicht. Hij transpireerde hevig en zijn ogen waren dicht. Zich niet verroeren, hij trilde over heel zijn lijf. Hij dacht, hoe pak ik haar hand nou zonder dat ik erin blijf? Ze zaten samen op de bank, nog altijd zij aan zij. Hij dacht, oh nee, ik durf het niet, en liet het daar maar bij. Zij had het al begrepen, ze sloeg haar ogen neer en zei, terwijl ze opstond, you. programmation, comme on le fait une fois par mois, elle est féminine et je vous propose de poursuivre avec The Witches of Elswick et le morceau John of Hazelgreen. C'est extrait de leur album Hell's Bells de 2018. Mais attention, Belle, c'est comme Belle, Belle, Belle. J'espère que vous l'avez compris. An old night road, one summer's day, down by the greenwood side. And there he spied a fair young maid, and all alone she cried. As he drew near, I ran to her to learn what this could mean. A lamentation it was all for John of Hazelgreen. You're welcome home, my fair young one, you're welcome home with me. And you may wed my eldest son, a bold young man is he. I would not wed save John of Hazelgreen. For he is tall, his shoulders broad, the fairest of the king. His hair hangs down in lengths of gold, my John of Hazelgreen. He's drawn a jumped bold John of Hazelgreen to lift his lady down. Three times he's kissed her ruby lips, three times he's kissed her chin. He's taken her by the lily white hand to lead his lady. To learn the old knight's eldest son was John of Hazelgreen. If I should ever thee forsake, may heaven forsake me and cast me in the brimstone lake for all. Et voilà, c'est ici que prend fin cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Je rappelle donc le titre de l'album que je vous ai fait découvrir. C'est l'album de l'artiste folk des Pays-Bas, donc hollandaise, Jeon Hartman. Elle vient de Utrecht. He Went to the Sea. C'est le titre de son premier album. Un album qu'elle a écrit à la suite d'une rupture amoureuse. Et puis on se quitte avec Happy Song, Amanda Colleen Williams. Je vous rappelle, hein, si vous avez envie peut-être de nous écrire, on a une petite adresse. Ça s'appelle lacroisierefolk@yahoo.com. On a une page Facebook aussi qui s'appelle La Croisière Folk. N'hésitez surtout pas à aller la liker. Si vous voulez écouter les podcasts de Anne B, donc c'est sur storylifique.com. Et donc allez voir le dernier. Ouais, ouais, allez voir le dernier. Mais écoutez aussi celui de Marie-Aline Lélars, dont on a écouté un extrait. Moi, je fais des podcasts aussi. Tiens, je veux quand même passer ma petite publicité. Ça s'appelle Les Interviews d'Eric Cooper. Vous tapez ça sur Google et vous trouverez sûrement une plateforme qui les diffuse. Allez, je vous quitte. Merci de votre fidélité. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et puis à très très bientôt. I'll be back. Vous avez dodeliné de votre grosse tête dans une intention inavouable. D'abord, Charlie, je n'ai pas une grosse tête. Ensuite, je n'ai pas dodeliné. Be tired, tired of the news, tired of the blues, tired of talking heads and their views, tired of wondering if our kids will make it home from school, tired. But we're not tired of that happy song, that happy song, gotta sing along. No, we're not tired of that happy song, gotta sing along, sing along with that happy song. In style, man. But we're not tired of that happy song, gotta sing along. No, we're not tired of that happy song, gotta sing along with that happy song. With a happy song, better sing along with a happy song. Better sing along with a happy song.